Nuisance sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Téléphone le 05 61 53 36 95. Ce n'a toujours pas changé. C'est inutile d'appeler. Je ne répondrai pas. Et puis pour finir, donc Nuisance, l'émission de toutes les nuisances. Le 28 04 2012, le 28 avril 2012, aujourd'hui même, à 21h19. Nuisance, l'émission de toutes les nuisances, l'émission qui nuit au sens. En parlant de pas manger, je vous déconseille de ne pas manger ce pour une. Vous comprenez? Il y a comme un problème là, je ne comprends plus rien. Ouais, parce que d'habitude c'est de la merde, mais là c'est, ouais, ça le fait pas. C'est mou, hein? Ouais, c'est de la merde molle là, quoi, aujourd'hui. Ouais, merde molle. On va y arriver. Faut quoi? Faut se baiser entre nous, quoi. Faut qu'on se prenne les uns les autres, c'est le seul truc, c'est le seul moyen, c'est le seul moyen. Tu comprendras pas, tu comprendras. Par contre, si toi tu me prends, moi je comprendrais parfaitement. Hein, tu vois. T'as pas intérêt à faire quoi que ce soit de... Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Eh oui, nous n'avons toujours rien compris. Bon bah ce soir, émission spéciale acoustique parce qu'il manque le câble. Et vous savez le câble? Non, vous savez pas en fait. D'accord, laissez-moi vous expliquer. Vous comprenez mieux maintenant, non? Hein, vous comprenez mieux? Oui, mais t'as même pas fait comme un gros scratch qui fait péter la table avec le câble. Tu parles à qui là? Tu parles à toi-même, hein? T'es tout seul ici, tu sais? Non, parce que si tu crois qu'il y a de l'espoir. Parce que si l'espoir fait vivre, l'espoir fait mourir. Je pensais plutôt à la bite en fait. Est-ce que tu peux préciser s'il te plaît? Non, je veux dire la bite, tu peux préciser la bite s'il te plaît? Non, vous avez échoué l'examen, excusez-moi monsieur, c'est trop tard. Une bite en l'exomile. Bon, on fait pas de pub, hein. C'est quoi l'exomile, déjà? Ah oui, je sais, ouais. C'est pour empêcher la dépression des pneus. C'est pour la route, les voitures. C'est ce que prend mon papa. Oh my god, I can't hear anything anymore. I gotta put the headphones on, but I don't know if I'm gonna do it, you know? See what I mean? I mean, it's like this, you know? I haven't heard it yet, you know? It's never gonna be. Yankee, home! You fuck me, baby. Oh yeah, I love you so much. Même qui se casse, même de chez eux. Yeah, we hate them all. Ils arrivent sur Mars. Yeah, I mean like, you know. T'as une belle mine, oui. I mean, like, fuck you, you know? I haven't made you, son. Just to look at you speak for nothing, you know? I hope you're gonna die. Oui, donc je traduis, c'est en passant à travers le passage que le passeur est passé né sans sa science, sa smacité. C'est certainement précis que le mec il dit, mais va te faire enculer! Yeah, that's what I'm talking about, you know? Direction! Bon, j'espère que vous comprenez absolument rien à ce qui se passe. C'est bien la défectuosité de l'antenne. De l'antenne paramétrique, je veux dire. Oui, c'est bien cela. C'est une puissance et vous êtes sur Canal Sud 92.2. Spéciale dédicace aux skaters sur skate. Ouais, donc radio Canal Sud, la radio spéciale dédicace. Aux bandeurs sans bite, aux couilles molles, aux sex à pile. Salut à toi et tu connais la suite. I mean, like, have you ever noticed something wrong? That's what we're talking about. Bah, c'est pas trop tôt, je veux dire, merde, quoi. Tu vois, hein? C'est à moi que tu parles? Ah non, mais attends, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Tu veux bien répéter? Je te trouve trop poli. Ouais, et puis c'est même pas des conneries. Ah ouais, je vais reprendre l'antienne. Ouais. C'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, la merde, prends la moi, merde, la merde. Ah ouais, prends-moi l'antenne. Merdre, secoue merdre, l'antenne. Merdre, merdre. C'est pas encore tout à fait ça, je veux dire. Y a pas de R entre le D et le E. Si, si, Père Ubu. Alfred ah, Jarry. C'est une citation, ça. Donc spécial dédicace, Père Ubu. C'est une citation. Comme disait Voltaire. Reste à terre. Ça risque de faire mal. Bah ouais, parfois on prend des coups de latte, on se fait éclater la tronche, qu'est-ce qu'on fait aussi? On se fait bourrer. Ah ouais, on se fait bourrer. Ouais. Fouiller. C'est clair. Ouais, c'est ça, ouais. C'est le consensus et tu suces. C'est ce qui nous reste encore. Les saloperies de cul. Y'a que ça qu'on peut dire. Parce que maintenant c'est devenu politiquement correct le cul. Parle-moi de mon cul. Le cul, voilà. Dans mon moi cul. J'écoute une émission sur notre radio concurrente, même pas. Concurrence, la ouais, merde. Parle concurrence. Mon cul, concurrence. Eh ben, ça parle que de cul. Voilà, donc justement, on en parlait. Et c'est le con, cul, c'est vraiment le truc du beauf moyen. Et c'est rance aussi. Ah ouais, ça pue parfois. Le cul. Le cul, ça pue la merde. Aussi. Ouais, y'a pas que ça, ça pue aussi plein de trucs. Les aisselles, les trucs qu'on s'appelle le truc mouillé sous les bras. Ou alors, ça c'est pour les garçons, le mouillé entre les couilles, là, entre les cuisses et les couilles. Parfois, quand tu t'es pas lavé depuis longtemps, et ben ça pue vraiment. Voilà, c'est de la rancène. Ouais, même là, c'est même pas, c'est des conneries. Hein. Fais gaffe, c'est du rhum, c'est sucré. Gaffe, le rhum c'est sucré. Je hais la musique. Je hais la merde. Et pourtant, la musique, c'est de la merde. La musique, c'est de la merde. La musique, c'est de la merde. La musique, c'est de la mathématique. Mamie, elle est où, mamie? Voilà. Mémé, tu me mets la main au cul, s'il te plaît, mémé. Mémé-moi. La main au cul. Mémé-moi. Spéciale dédicace à Lily. Ah, il y a un chum qui rentre dans le studio, il a le sourire. C'est bien. Va me faire enculer. Et il me dit salut. On dirait des trucs à la con, là, de romans, comment, que les mecs, ils racontent leur vie. Ah, il y a même mon collègue de la semaine dernière. Il y a mon collègue de la semaine dernière. Parle-moi de mon caleçon. Ouais, parle-moi de ça, t'as vu? Parle-moi, ouais. Calva. Avant de me baiser le cul. Je t'ai amené du calva. Ouais, j'ai du rhum aussi, c'est sucré, fais gaffe. Laisse-moi t'enivrer. Je suis malade. Je veux du blé. Mais moi j'aime pas les caleçons. Je préfère les boxers moule bit. Ou alors, ah non quand même, ça c'est ringard. Les comment? Les trucs, les maillots de bain, les slips. Les moulcons. Les slips, c'est trop. La personne m'écoute. Tu glisses, tu slips. Parle-moi de ma bite. À mon cul, quoi. Ouais. C'est ça, c'est du bon. C'est du bon. Ah, wish I were fucked up in the ass. So fucked up in the ass. I wish I were fucked up in the ass. So fucked up in the ass. I wish my ass was fucked up. Fucked up in the ass. Yeah, baby, I love you so much. Fuck me in the ass. Oh non, je vous ai dit de pas appeler, quoi. J'ai trop obligé de vous raccrocher à la gueule, quoi. Téléphone 05 61 53 36 95, n'appelez pas. N'appelez pas. Pas de dédicace. Pas de dédicace. I wish I were fucking me in the ass. Life is a bitch, like me, I'm a bitch, and I fuck the world. La musique, c'est de la mathématique, je vous dis. Le cul, c'est le cul. Et ça pue. Sad. Je suis triste. Triste. Puer du cul, je veux dire merde quoi, tu vois. J'ai rien fait pour ça. C'est pas ma faute. Vous avez eu peur, hein? Ah bah non, fallait pas. fallait pas, tu vois. Quoi, t'as pas peur, hein? Non, fallait pas, tu vois. Ça craint. T'as pas peur, toi? Ça craint des boutons. Bon, on arrête tout, on recommence. Allez, c'est parti. 1 et 2 et 3 et 4 et... Ouais, voilà, c'est ça, je vous l'avais dit. Vous l'avez dit, vous êtes des merdes. Vous êtes de la merde. Vous êtes de la merde, laissez tomber, ça vaut rien. Vous allez crever en enfer, vous allez pas faire de maille. Il y aura pas de thune dans l'affaire. Moi, je laisse tomber, je suis désolé, j'en veux pas. Il y a du... Le petit lapin, il se balade dans les prés, il rebondit, il fait des bonds, il continue, petit papa, pom pom pom pom, il fait des bonds, il fait n'importe quoi. Non, c'est mieux, on arrête tout. Ah, salaud. Eh, la gloire du lapin. Je te fais savoir que j'ai rien fait. Ah, dans certaines tribus, nous festoyons quand les gens meurent. C'est moi, tous les soirs, j'essaie de mourir. Et je renais tous les matins, la tête dans le cul et des douleurs. Lombard. Des douleurs. Lombaire. Des douleurs. Lombaire. Et moi, j'aime beaucoup parler de moi, même quand je suis mort. Ouais, moi aussi, je sais. Et les autres, quand je meurs, ils se festent de moi. Ah ouais, feste-moi aussi, je vote. Ça doit être chiant de devenir le doudou de soi-même. Hein. À force de se regarder, de se parler tout bas et que le reflet du miroir fait briller ta peau, tu deviens celui que tu n'as voulu être. Que dans le plus petit de ton âge. Ouais, quand tu étais petit, tu voulais être. Et maintenant, tu suis. Et comme ça, tu transpires toutes les toxines de ton corps. Hardcore ou dépressurisation d'une constitution nalisante. Oui. Fragile. Venez, mes frères. Attention à vous. Suivez ma mort, suivez-la. Vous allez crever, c'est pas maintenant. Au plus profond des souvenirs, au plus profond de ce qui nous a fait maudire, à celui qui ira et qui tente pour mon aide. La mort à nous ne serait que ceux qui veulent aimer. Oh my god, full of shit. Aimer ma mère n'est mon désir. Soyez sanglants et réjouis. Ouais. C'est ce blanc et c'est par l'air. Ah, que c'est bon la douleur. Et la bière, t'oublies la bière. Je veux dire la bière, c'est ça qu'on aime, la bière. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait de nous, la bière? Ouais, la bière, la bière. Regarde ce que vous avez vu, la bière. Oh baby, baby. Woo. Yeah. Oh my God, it's full of shit. It's full of shit, I say. Yeah. Oh no. What have I done? Des milliers de coups de fouet frappent sur son corps nu. Il se flagelle et il aime qu'on le regarde. Détraqué, poursuivi par 30 milliards de personnes qui veulent faire de lui un martyr. Chers citoyens, prenez ce qui vous sert de pouvoir et mettez-le en pratique, car aujourd'hui nous avons un ennemi en commun. Un ennemi qui aime être ennemi, un ennemi qui se jouit de notre douleur, un ennemi qui deviendrait notre ami si l'amour de sans douleur pouvait être comme... Aïe! Ouais, non, mais arrêtez là, c'est bon, j'en ai marre. On arrête tout et on recommence, j'ai dit! Merci moi. Quelque chose ici, hein? Au casque, on n'entend rien, on n'entend rien, laissez tomber les gars. Ça sert à rien de vous casser le cul, je veux dire merde. Mais je le dis pas moi, hein? Après vous dites que de la merde. C'est votre faute, hein? Bah on se prend la bite et on se la fout dans la derche, tu vois, et on l'enfonce encore et encore. Et après, on lèche la bite pleine de merde. Et on jouit, t'as vu? Et toi? Et toi t'es là? Quoi? Ça casse pas le cul, ça. Si, j'ai une énorme bite, quoi. Eh ben non, mais tu peux pas te le faire toi-même. Si, je peux, parce que j'ai une énorme longue bite, quoi. Ah, mais même, t'as pas d'élan. Mais j'ai pas besoin d'avoir d'élan, je me fous un bête miché dans le cul. Bah ouais, mais t'as pas le corps qui va avec et qui tape ton cul. Mais mon cul, il peut éclater à n'importe quel moment, t'imagines le risque que je prends. Ah, mais en fait, c'est un cul sécable. Non, c'est un crucifix. Il se fixe, le cul. Olivier, tu vois Olivier. Sans clou, sans clou, sans rien. Le roi de l'autre. Non, le cul, je veux dire, non, il y a franchement le cul. Non, il ne se fixe pas avec le clou, il se fixe avec beaucoup de déplaisir. Et cet homme, il était marchand de couleurs. Et sinon, il se fixe pas quand c'est du plaisir. C'est pas une histoire de plaisir, c'est une histoire de mensonge ici. Ah, d'accord. Le plaisir, c'est de la merde. Comme le reste, mais c'est pas que de la merde, ça peut être de la bite aussi qui pue. Ouais, de la bite, qui pue. C'est quoi le plus putain, en fait la bite. Bon, bah maintenant, autour des autres. Alors je cherche, c'est quoi le plaisir? Vas-y. Mais je cherche, oui, j'y vais, ouais. Que ça? C'est à cause du niveau, tu vois. Que ça? Ah, le niveau. J'en ai marre de surveiller les choses. Le niveau d'eau. Le niveau de l'eau. C'est ça. Des eaux. Des grandes eaux. Les audios ou du bas? Des pertes noires. Ah. Pertes noires, bébé. Oh mon amour, tes pertes. Que j'aime lécher tes pertes. Tes pertes rouges, sanguinolentes et noires. Pertes blanches. Tes pertes. Pertes blanches. Non, je veux juste lécher tes pertes. Avant, je croyais que les gens voulaient lécher mes gains et toi, tu m'as dit que tu veux lécher mes pertes, mais c'est magnifique. Ouais, putain, mais c'est quel truc de cum. Lécher la queue. Lécher la bœuf. Je vais te lécher la merde. Je vais te lécher le cul plein de derche. Et je suis dans la bière. I gotta admit there's something going wrong here. I gotta admit it's all very wrong. Putain, je suis à la recherche du plaisir. Le plaisir de la bite. Et en fait, je pense que c'est surtout la recherche qui est le plaisir. Ah ouais, et la bite aussi. Non, et non, et non, est-ce que je peux m'enculer? Non, en fait, parce que... Non, j'ai envie de spécial dédicacer ce soir, je m'encule, à moi, et je m'encule fort. Ouais, mais ça, c'est pas du plaisir, ça. Parce qu'en fait, t'as pas besoin de la chercher, tu l'as déjà, ta bite. M'encule. Ouais, spécial dédicace à Jean-Louis Coste, là, je pensais. Non, juste, je m'encule, en fait, si, tu si, vois. Si, parce que quand même. Je prends le cul et... Et je me derche le naze. Tu crois que tu vas au supermarché? Et en fait, je suis qui va aller plomber la tête à la patronne. Et je veux m'enculer tellement fort, que je veux m'enculer tellement fort, que je veux m'enculer tellement fort, que je veux m'enculer tellement fort, que je veux m'enculer tellement fort, que je veux m'enculer tellement fort. Je suis ouais ouais, faut le faire soi-même. De l'autoproduction. Grosse merde. Enculé, c'est pas une insulte. M'enculer, m'enculer, m'enculer, m'enculer. Je le répète, enculé n'est pas une insulte. Il est 10h, ouais, on vous encule tous. Les gamins sont couchés, on peut vous enculer. Ouais, vas-y, arrive, il y a Dislav. Ouais, je suis un mou du slip. J'aime les rimes en air. Et y a un charclos qui joue avec des, comment ça s'appelle, des boîtes de bière. Non, j'entends pas. Tu peux répéter, s'il te plaît? Charles, mon ami, tu as pété le joint, enculé de ma race, qui pue, ouais, la bière. Les canettes de bière, c'est tout à fait à propos. Par derrière ou par devant? Alors ça, quand même, c'est la question, tu te dis, faut être con. C'est qu'à le dire, en plus. Eh ouais. Se pendre, oui, mais par les couilles. L'obscénité et la pornographie comme ultime refuge d'un monde de merde. C'est nous la merde, je comprends pas. Pourquoi tu parles de moi comme ça? Ah mais moi je parle de moi merde, comme ça, moi. C'est moi dont je parle. Je te parle c'est pas moi à toi. De nous tous. Pourquoi il faut toujours on se on est répondre. Des merdes. On virez-moi, mais en pire. Ah, mais le meilleur refuge, c'est You Merde. Si on se disait, on était des bites. Pourquoi quoi? Mais on est des bites, en tout mais cas. Mais on est des merdes ou des bites, c'est ça que je dirais. Ah, pardon, excuse-moi. Non, on recommence, on recommence. Des bites de merde. On est du fromage de bites. La vulgarité comme ultime refuge. Le seul politiquement correct qui nous reste. Mais non, mais c'est parce qu'il y en a toujours à portée de main. Et oui, le consensus est usus. Je suce ma queue. Ça, c'est une spéciale dédicace, ouais. Je un me groupe de... suce la queue. Moi, je savais pas ce que ça voulait dire consensus. Je me suce la queue. Je me suce la queue. C'était à portée de main. Je me suce la queue. En plus, con. Tu vois, c'est pour pas faire je le. Je me suce la bite. Le psychopathe à deux balles. Le psychopathe de bistrot. Je me suce la bite. Et quand même, consensus. Là, c'est pareil de l'auto-fellation. Féminine. Je me suce les pieds. L'autofellation féminine. Je me suce les pieds. Consensus lui-même. Je me suce les pieds, je me suce les pieds, je me suce le cul. Je me suce le nez. Je me suce les tétons. Je me suce vous-même, allez vous faire enculer et moi je vais me faire foutre. Allez, on chante, parce que la vie, c'est pas nuisance, c'est vraiment la vie, et nuisance, c'est de la merde. On s'encule tous dans nuisance, on aime ça se prendre par le cul, parce qu'on a des queues et qu'on peut les foutre dans les culs. Oui, allez, on est des merdes, des grosses merdes, on va se faire enculer par les pieds dans le mou. Ouais! Ouais! Oh my god, it's full of shit. Ça veut dire quoi, foolish? Full of shit. Full of shit. Il y a beaucoup de merde. Non, c'est rempli de merde. C'est rempli de merde. Ouais, ça veut dire c'est de la merde. New media shame. Oh my god. Yeah, god me shame, man. Parle-moi de ma queue, ma chérie. Dis-moi encore quelle est la plus belle queue que t'as vue de ta vie. Tellement je t'aime. Eh ben non, c'est pas vrai. Si j'avais de la thune, j'achèterais. J'en ai vu, elles avaient des hampes de 30 cm avec des liserés rosés nacrés sur le pourtour. Et des prépuces. Ouais, beaucoup de prépuces, il y avait plein de prépuces, je me souviens, t'as raison. Il y avait des prépuces de partout, je te jure. Ils étaient pas beaux, franchement. C'était quoi cette merde là? On était là, mais putain. Partout. Ils ont fait ça, ces enculés. Hein? Pourquoi ils ont fait ça, les bâtards? C'était pas de notre faute. On pourrait pas entendre la musique. La musique. Contemporain. C'est la musique. C'est la musique, c'est de la merde. C'est la... Voilà, c'est ça, il suffit de répéter deux fois. Je suis vachement d'accord avec les paroles de cette chanson. Tu répètes deux fois les choses, c'est bon, c'est de la musique. La musique, c'est de la merde. Et ça, c'était le cri qui tue. Si on parlait de Jésus-Christ. Jesus saved my life, goddammit. I mean, like, you know. Ah ouais, c'est encore un truc d'Horicien, ça, putain, salopard. Yeah, Jesus, yeah, hallelujah. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Salopard de Yankee. Alléluia. Parle-moi d'Al. Que dalle. Parle-moi de la queue d'Al. Je préfère te parler de Louia. J'entends rien de ce que tu me dis, désolé. Attends, laisse-moi. Tu m'entends là? Oui, je ne comprends rien de ce que je tu me dis. Je t'entends. Je t'entends. Quand est-ce qu'on baise? Quand est-ce qu'on baise? Quand la baise est venue. Avant les bises même. On était vite repus et on n'en voulait plus. C'était l'inconvénient de la baise. Après elle avait plus rien à dire. Quand la baise fera un revenu, ça me rappelle le tout. J'ai l'impression qu'il faut parler très fort pour se faire entendre. Moins fort, les gars. Je vous rends vos aigus. Oh, excusez-moi, c'était une blague. Tenez, voilà. Ouais, parce que là, franchement, je me suis dit, il faut que je maîtrise ma colère. C'est pas du tout. Mais putain. C'est quoi cette histoire là? Moi j'ai plus d'aigus. Ouais, parce qu'il est 22h04. On n'en a plus rien à foutre. On n'en a plus rien à foutre. Et pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que c'est de la merde. Alors non, je suis pas d'accord. J'en ai pas rien à foutre de la merde. Les écolos, ouais, tu meurs. Les écolos, tu meurs. Les écolos, tu meurs. Les écolos, tu meurs. Ton groupe électrogène fait du bruit. Mais bien, voilà, ouais. C'est sur Canal Sud. Elle a des fascinants, la vache. Elle est très chaud, elle mange de l'herbe trop grasse, trop souvent. Ça sert à rien de parler, les gars, ça sert à rien. Ça sert à rien, vaut mieux dire de la merde. Mais regarde ce que Merde. Le produit fini est parfait. Précieux, précieux, et il s'évertue à textoter et s'exciter pour aller au feu. Pour aller quoi? Pour aller au pieu. Baiser? Baiser. Du filet. De la merde. Ouais, parle-moi encore de la merde. Ah ouais. Ah ouais, parle-moi encore. Ça suppure. Par tous les pores de ta peau. Oh oui, parle-moi de ma peau, hein, ma peau pleine de merde, oui, je suis pur, ah oui, je suis juste, ah oui, ah, périste-moi que le cheu. Périste-moi que le cheu que te... Chez moi le port écouteur. Cher concitoyen. Et tu veux pas entendre notre citoyen, notre La cause est évacuée. Talk about the power recruiter, man. La coco. I mean, like, you know, the Perrecata? Yeah. I shush the Perrecata, yeah, baby. Perrecata? Yeah, baby, I shush the Perrecata, you know? You know, what I mean? I mean, you, what is a Perrecata? I shush the Perrecata, motherfucker! Oh, yeah! Oh, yeah. I don't fucking about you. Oh, you gonna suck me, please? Yeah, okay. Shit. Perrecata. How much of a brother can I suck it? I'm fucking. Yeah, suck my Perrecata, man. Nah, I shit. Ah, oh, send me, please. Mais qu'est-ce que tu textotes? Ah, t'excites. Tu t'excites, tu. I'm play. Tu fais de suite. Achou! Je manifeste. Donc je reviens sur Jésus-Christ. Et oh, il est immobile. Save me. Il est immobile. Il atteint le clou. Jésus m'a sauvé au trou du cul. Écolo, bobo. On a dit pas de politique ce soir. Demain peut-être. Et moi j'ai du mal avec l'écologie parce que tout ce que je fais, je me dis que ça fait forcément genre. Ça fait forcément chier quelqu'un, quelque chose, quelque part. Non, non, c'est ça le paradoxe. C'est qu'en fait, bon, de toute façon, moi j'ai une légitimité, je suis un mammifère, mon pote. J'ai une légitimité à polluer un peu, quoi. On va pas nous casser les couilles. Bah moi, j'arrive à me faire gravement chier, à me triturer la tête à cause de ça, tu vois, tout le temps. L'être humain, il est pas né comme ça. Non. S'il était pas né, on verrait tout de suite. A priori, on n'a pas choisi, alors donc on est là. C'est vrai qu'on n'a pas choisi. Non, ça m'intéresse. Moi, vous pouvez répéter la question ? Eh ben, en fait, on n'a pas choisi d'être là. On n'a pas choisi de naître. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que donc je me dois me sentir responsable ? Tu crois qu'il n'y a pas de but à ton existence ? Tiens, c'est nu ! Si, si, nous reproduire. On a fait un enfant, si, c'est si. Le but ! On a un but, c'est nous reproduire. Bah, quel but, finalement ? Si, si, on prendra pour ça. J'ai pas choisi d'être là. Je n'ai pas choisi d'être un but. On est programmé pour baiser. Il se reproduire. Ah non, je ne veux pas être un but. Parle-moi de mon cul. Ah, si. Ça nous dépasse. Moi, ouais, mais merde, transpire. Ça me dépasse parce que c'était avant moi et ils ont pas choisi. C'est même pas avant toi, c'est en toi. Ils m'ont pas demandé, toi, les parents, ils m'ont fait, c'est le but. Ah oui, dans l'histoire de la vie, bah ouais, c'était avant moi, donc j'ai pas choisi. Comme tu dis, ça m'a dépassé parce que c'était avant. C'est dans le passé. Voilà. Non, mais ce que je voulais dire par quoi. Je suis du passé même, du passé. Même pas dépassé, du passé, quoi. Mais la pulsion du cul, tu l'as en toi. Le seul avenir, c'est de marquer un but. C'est ton en partant de rien, les gars, en partant de rien, faut recommencer à zéro, faut tout s'arrêter. Ouais. Et recommencer, les gars. Faut arrêter le programme. Eh, vous disez là, j'ai fait un score de 1995. C'est pas un signe, ça. Si, si, 1995, tout est dit. Non, mais on s'en fout, ça aussi, on arrête. Il faut commencer autre chose. 95, c'était bien. 95, c'était ah, c'était bien. 95, c'est comme le solitaire, c'est de la balle. Ouais, 94, c'était encore mieux. Le cul. C'était va te faire sodomiser moi-même. C'est alléluia. Je me scotomise. Grave le solitaire. Je me scotomise. Va te faire enculer moi-même. Va te faire scotomiser. Ciao, pas. Le gars, Mardi, c'est la fête du travail parce que tellement qu'on lève le travail que ces gens-là on travaille pas parce que c'est cool. Et il y a des ponts qui se construisent le lundi. Il y a plein de ponts, il y a même des viaducs. Ouais. Des vias du cul en fait finalement. Ouais. C'est, que ouais. C'est le seul moment où ça rentre pas dans ton cul finalement. Pendant les ponts. Moi ouais, j'aime beaucoup. Tu te mets sur le pont là, c'est bon. Je vous vois sur demain, le pont de mon con, pas. Je me transperce je vous avec vois, un autre con. J'ai une culotte en zingue. Ça finit là. Vous pouvez rien contre moi. Mais en fait c'est vraiment juste pour se la péter parce ah ouais, que lundi ouais. D'après. Oh putain. Non, oh merde, t'as fait chier quoi. Je préfère rester sur cette idée. Tout le temps, encore et encore. Encore et encore la démence. Alléluia. Vous êtes un taré. Agathe Sangue. I got the sunbeam in my eye, yeah baby, yeah baby, sunbeam in my eye. I got. Trop fort les filles. Ah ah. C'est trop fort. You like my. Like a virgin, ooh, fucked for the very first time, like a virgin, yeah baby, ah fuck me, fuck me, ah. Et c'est politique Madonna? Non, parce qu'on peut en parler ou pas? C'est elle qui a composé ça? Merde, c'est pas, non, c'est j'étais pas, pas au courant. Ça m'étonnerait. Merde, je dois tout recommencer à zéro. Je suis zéro. Une vierge dépucelée par moi-même. Je suis un vierge. Hein, je me dépucelle avec la main. Oh, c'est bon. Vive l'autofellation. Moi, je dirais qu'on devrait ne plus parler pendant une demi-heure ouais. De rapport. Ah. Ah ouais, il faut parler de porc rat. Ouais. Alors le porc rat est une espèce d'Indonésie qui a le rat du porc à travers le porc même de sa peau qui pointe le pus du purulence dans la pousse de la poule à poule à poule. Alors là ça c'est cocasse, là vraiment je m'y attendais pas. Et vous avez été découvert quand ça? En Indonésie dans le 16e siècle avant le 16e, 17e. D'accord. Le Paris? Vers l'an crétin. C'est moi. Attends, je me répète. Je recommence à zéro. C'est la fin. La fin de tous les boudins. Mais pas des crétins. Ouais, moi j'irais bien faire un tour en ville. Hein. Allez. Ouais, me bourrer la gueule et me taper une bonasse, c'est cool. Et lui. Ouais, et me, surtout me. Moi, ouais, parce que moi, tu vois. Avec les cloches, il faut savoir, moi, je suis comme ça, tu vois. Il faut moi. Savoir bling, se donner bling. Au reste du monde. Ouais, moi, tu vois, moi, je suis comme ça, tu vois. Ouais. Toi, t'es pas comme moi, tu vois. Nous, on a des vaches qui font meumeux avec des cloches, tu vois. On a du bling bling, quoi. Alors, moi, tu vois, moi, tu vois, moi. Nous, moi, on a un troupeau au privilégié. Moi. Si tu es relativement. Tu l'es partout. Sexuellement attirable. Mais au fait, ça sent pas la chatte là dans le studio? Appelé, non, pas trop. Ça sent les sensations. Ça sent quoi? Ça sent mon trou du cul, je te dis. 61-53. C'est le truc de fond quoi, le truc qui est au tapis comme ça. 95, hein. Je sais pas de quoi tu parles. Ah, ça là? Le son, tu veux dire? L'odeur du pu. Ah, la purulence, ouais, c'est ça. Une bonasse aimerait entendre. C'est mon haleine. On pourrait lui dire que. Et on lui ferait du caca sur le corps et. Le caca sur l'anus, y'a rien de mieux, y'a rien de mieux. Et ouais, mais je veux. Le body painting, normalement, ça doit se faire que avec des trucs du corps. Donc du caca, de la pisse. Et t'as vu, j'ai un caleçon à 20 euros. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a que ça, des humeurs de gonzesses. C'est rigolo, hein? Sérieux? Eh, tu sais, à l'envers? À l'envers? T'imagines? Eh, dis. Ton boxeur là. Eh ben la marque, eh ben à l'envers ça fait seg, ça veut dire se branler en patois marseillais. Tu te seg. Ouais, tu te tapes une seg. Grave. Oh collègue. Moi tu vois, j'ai vu ça, j'ai dit oh, il y a écrit gay. Et avec avec la marque seg, je m'aime comme un chien aime les saucisses. C'est un truc de fou. Du motomange. Non mais avec ça tu chopes pas tous les coups hein. Les meufs elles veulent le voir. Et c'est pour ça qu'il faut l'exhiber. C'est comme le string, c'est une invention culturellement très très profonde. Et les mecs ils sont jaloux, ils veulent t'arracher. Ah ça c'est sûr, la ficelle elle trempe dans le cul là. Et moi tu vois je dis le voile c'est pas bien parce qu'on voit les yeux de la fille. Et tu vois ça C'est touchant, toi, tu arrives à... Parle-moi de mon cul. Parle-moi de mon cul. C'est pas personnel. Parle-moi de mon cul. Parle-moi de mon cul. Parle-moi de mon cul. Là, tu vois son string, quoi. Franchement, t'as un très joli string, quoi. J'ai envie de te connaître. Moi, j'ai jamais été présenté. En fait, tout se passe là-dedans, hein. Le regard de string et de boxeur, tout est là, quoi. C'est là. Nos sous-vêtements se sont croisés. Ouais. C'est fut magique. Je t'ai traversé comme... Le projet réussi international varie. Ouais, ça c'est trop cool, qu'est-ce qu'il fait notre camarade? C'est du pré-compostage. Voilà. Il déchire du papier de merde de pub. L'univers différent, espace spécifique, l'attribution aux nouveautés technologiques. La pub c'est de la merde. Mais échanger. Participer étant parasité et parasité, le 3 et 6 avril, leur parasite est dans le recette originale. Au moins, les oreilles mal baisées. Entre 16h et 18h, malte d'orge, le savoir orange dans le processus de la création se cherche à faire des. J'en veux. Nouvelle invasion, je suis hanté. La création. Par qui? Calvados, VSOP. Médiation culturelle. De distillation. Qui m'habite et me noie. Tant de projets. Que reste-t-il de vous? Appellation Calvados, pays de fantômes bien aimés. École d'art. Accueille habituellement des projets. Alors. Produits traditionnels du terroir normand. De réunir des artistes internationaux. Une galerie d'art mutante. La performance. Traditional product from Mémoire the land of Normandy. Souris. La rencontre d'univers différentiels à l'utilité d'un espace physique. Avec beaucoup de morts. Nouvelle technologie. Informatique. Performance. Construction, vidéo, graphe, plastique, art, peinture, danse, chant, poésie. Des fantômes. Des projets à but non lucratif. Oh, des titres, des artistes rêves. Internationaux. Un rendez-vous avec l'inconnu. Disciples variés. Ou comment créer en étant qu'une fois parasite et parasité. Une Amérique qu'on aime et qui nous aime. Collaboration, échange. Une Amérique qu'on aime et qui nous aime. Différents participants. Voleuses. Participants différents. Perdu. Participants différents les entre l'échange et la collaboration de la nécessité de la à la surtout mais. Ouais. Remerciements à Duncan McLeod. Ce grand Calvados est issu du pays d'Auge, au cœur de la Normandie, où l'on mange tout les qualités exceptionnelles des pommes du pays d'Auge, excepté toutes les une autres. Une double distillation en alambic traditionnel et un long vieillissement en fût de chêne. Erlium d'Alzonete Calvados une richesse aromatique unique. Zouf et Javak Vous verrez Elemnak vous serez séduit par cette saveur délicieuse, harmonieusement associée à la fraîcheur du fruit et par sa belle couleur brune. Très actuelle, la couleur brune. Tu peux le comprendre. Heureusement, même si tu le vois, tu ne peux pas le prendre. Contemporaine. Tu peux juste comprendre que ça persiste. Venez découvrir le caractère chaleureux et authentique des produits de notre terroir par une dégustation. Je crois que c'est séduisant. Dans nos chais et la visite de notre musée. C'est pas un homme. C'est une entité venue dévorer la vie d'un homme. Pour en savoir plus, un collectif. Visitez notre site internet. Mémoriel. À l'espace mauvaise foi. Pont-l'Évêque. Durant la résistance, l'atelier est illisible. Tous les jours de 17h à 18h. Infirmière, médecin, repas quotidien. Des enfants maltraités, mal nourris. 80 personnes âgées, les pour les. Les des émigrés, pesés par l'hebdomadaire. Double distillation. Des familles diminuées. Des enfants assassinés tous les jours en France. D'octobre au mai. Et quand on a beaucoup de moi, je ne bois pas. Mais c'est beau, c'est chaud. Moi, je ne bois plus. Abuse de nos enfants. Est-ce qu'on le vaut bien, quoi. Enfin, je bois de milliers de gentillesse. 1400 enfants aujourd'hui même. 2000 pour demain. C'est magnifique. Qui meurt les enfants? Qui meurt les enfants? C'est des mots. Les enfants, c'est de la merde. Faites un parrainage. Aidez les enfants. De procurez-leur des offres et des emplois. C'est vrai. Vas-y mon pote, offre-moi le plat. Tu choisis de faire un enfant pour offre-moi le plat, ouais. Vas-y, offre-moi le plat. Pour payer un futur employé. Acheter des fournitures. Je trouve que c'est quelque chose. On apporte beaucoup à l'humanité en fournissant un nouvel employé. Vive le chômage. Là, c'est le chômage, c'est écologique. Le chômage, c'est écolo. Il touche 1200 euros par mois, ces personnes-là. Achetez du riz. Achetez du riz à Bernard Kouchner. Rex. Les artes discountes. Des clowns, des danseurs. Une fête à temps. Ah ouais, le lundi là qui arrive, il faut que je sois à la préfecture à 9h pour faire la demande historique de mes points sur le permis de conduire. Tu sais que t'es obligé de passer un truc. En fait, le stage tu peux le faire que si tu vas demander cette historique là. Il y a un musée du point perdu. Hein ? Ouais. Il y a un musée du point perdu. Ouais, c'est ça, ouais. Vous en fait, si tu ne visites pas, après, t'as le droit d'aller faire un tour gratuit pour dire que, en fait, t'as compris que t'avais des points, que c'était trop dommage que tu les aies perdus, parce que franchement, il y en a qui sont battus pour les avoir. Mmh. Et du coup, t'as le droit après de regagner des points. D'accord. Tu vois, c'est comme quand t'as, en fait, c'est comme quand t'as trop pêché, en fait. Tu vas au musée ou t'achètes un bouquin de sensibilisation à la perte dans le péché. Et après, une fois que t'as acheté ce bouquin ou que t'as été au musée, et ben en fait, tu regagnes des points. Ah ouais. Toujours. Ça se passe comme ça. Péché ou péché? Les deux, le non, les pêcheurs encore eux, c'est ils peuvent pas, tu vois, ils sont baisés quoi. D'accord. Eux, en fait, il y a tout qui augmente et voilà. Voilà quoi, pauvres pêcheurs. J'ai envie de dire, pauvres pêcheurs. Et c'est la merde. Bah eux c'est la mer de je sais pas quoi, ça peut être la mer d'Aral, ça peut être la mer Méditerranée, mais ils pêchent dedans quoi. C'est vraiment la merde ouais, c'est la mer de toutes les merdes quoi. Ça on le garde pour tout à l'heure, quelqu'un qui doit en avoir. De quoi le truc là, ce qui reste là. Et on ouvre l'autre. As you want, and think it's a beautiful Pulkovov and to be the boy, it's a good solution. On pourra parler de moche, hein. You can go and find it to... You want me to go? Tiens, t'as qu'à mettre ça à la place, comme ça, ça sera pas perverti par des bonnes personnes. Moi, j'aime beaucoup ce mot, perversion. Parce que, en seul mot, il identifie toute une nation. Perversion, et ben tout simplement par la version qu'on a fait de notre version, de nos valeurs. La version qu'on a fait l'a amené à pervertir tout le reste. Ah oui, des... J'ai pas de couteau pour ouvrir les boules geisha et je suis un petit peu embêté, mais j'espère que ça casse pas le truc en fait. Passe-moi mon truc. Ça te plaît comme ça? Ça peut être pire encore. D'accord, je continue alors. Non, arrête-toi. Bon, d'accord. Et toi, c'est pareil, enlève tes lunettes. Ouais, mais là, et toi, continue de faire ta merde. Juste contre toi, ça m'excite quand même, quoi, tu vois, j'ai beau rien faire. Mais tu peux tout faire ce que tu veux pas, tu sais. Ah oui! J'ai les narines totalement touchées, je n'arrive pas à sentir ce que tu me fais ressentir. Mais tout de même, mes yeux noyés dans l'excrément humain me donnent envie d'embrocher ton petit cul à la façon gitane. Ah, qu'est-ce qu'il est beau, le ciel! La terre soutient mes pieds. La mer me permet de nager. Les poissons me disent qu'ils m'aiment. Le monde est beau. Je vois ces oiseaux mourir, engluer. J'adore cela. Ils sont beaux tout noirs, ces goélands. Un parterre de fleurs. Assurit la douleur d'une vie consistée. À abrité du sol pleureur, je maudis ma mère. Elle continue à parler tout doucement. J'entends l'écho de sa voix. Tu iras loin, à chaque fois que je pousse, je vais plus loin. À croire que ce néant n'est qu'un trou. Béat de mes expériences, je continue à pousser frénétiquement afin d'atteindre le but qui est une petite porte ou un colis inappréciable. Elle hurle encore, sa voix résonne. En fait, j'ai pas le décorum, alors j'arrive pas à être intéressé par ton histoire. J'aimerais savoir si elle hurle dans les bois ou dans une jungle de béton ou. Je suis sous le sol pleureur. Ah, mais où, mais où? Dans mon cul. Les poissons disent qu'ils m'aiment, la terre soutient mes pieds et le ciel me couvre. Est-ce que je peux continuer mon histoire maintenant, hein? Ouais, je veux bien, mais c'est où? Mon texte là! Mais c'est pas un texte parce qu'il y a personne qui me l'a écrit et qui. I'm going to go to the hospital. okay, we're all dying together. We're all dead already. Mm-hmm. So that's what we're gonna do tonight. We're gonna die together. One, two, three, let's go. Allez hop, on y va. On y va, on y va. Ouais, ouais. Allez, un et deux et trois. Et allez, on y va. On va crever maintenant. Ouais. C'est bon ça. Ouais, c'est ça qu'il faut. Merde, pourquoi vous avez arrêté? Trancher notre race de merde qui pue. Okay, there's something wrong going here. There's something very wrong. I can tell everybody's fucked up, and I'm fucked up too. We're never gonna manage anything. I better fuck you all in the asses, you stupid motherfuckers. You fuck. Now let's talk about fucking. I mean, it's like it's really important to me that I fuck a lot, you know? With my fucking machines, I fuck a lot, you know. I fuck a lot with my fucking machines. I like to fuck. I like to fuck so much. You know I like to fuck. I like to fuck. You know I like to fuck. Don't you know? I'm gonna tell you. Yeah, baby. I like to fuck. That's all I like to do. I don't like anything else. The only thing I like to do. Fuck! I do is fuck. I mean, that's what I'm for. That's what I'm made for. I'm made to fuck. I like to fuck. I love to fuck. I want to be fucked and fuck. Fuck a fuck, fuck a fuck, fuck a fuck, fuck. Yeah, insanity is a membrane. You must not cross the membrane of insanity. Il ne faut pas traverser la membrane de la folie, la démence, l'insanité. Ne traversez pas la membrane. Non, la membrane, non, ne la traversez pas. Ne traversez pas la membrane de l'insanité. Insanité. C'est sain, c'est insain. C'est malsain, la malsanité. La malsanité. Ne traversez pas la membrane de la malsanité. C'est malsain tout ça, c'est malsanité. C'est malsanité. Ne traversez pas la membrane. Ne traversez pas la membrane. Tu vas crever. Ouais. Tant mieux! On va tous crever, tant mieux! C'est ça qu'il faut! Ouais! Nous, ce qu'on veut, c'est crever! On veut crever dans la vie! Nous, ce qu'on veut, c'est crever! Ouais! Vivre, pourquoi? On n'a pas choisi de vivre, on a choisi de crever! Ouais! Ouais, crever, c'est bon, crever, c'est la libération. C'est la lutte finale, la liberté, enfin. Wouh! Ouais, plus fort encore, la liberté, l'égalité, la fraternité dans la mort. Ouais, mourir! Mourir la vie! Mourir! Ouais, moi ce que je veux c'est mourir dans la vie. Ah bah y'a pas de problème, tiens, cadeau hein. Et toi aussi, connard! Ouais, toi tout ce que tu veux c'est mourir, ouais! Ouais, moi je vais mourir. Moi je veux mourir. Ouais, moi je veux mourir. J'ai un cadeau. On va tous crever. Nuisance. Que ce soit le 12, soit le 2 FM. Le vendredi de 21h à 23h. Malvenue. Vous êtes malvenu. Sur Canal Sud 92.2. Ou Canal Sud.net. 05 61 53 36 95, n'appelez pas. Y'a pas de dédicace. Non, y'a pas de dédicace. Pas ce soir, j'ai oublié. Je suis un gros connard. J'ai tout oublié. J'oublie même mes potes. Tout le monde. Moi, ce que je veux, c'est oublier. Ça y est, c'est fait. ceux qui aiment la merde, c'est pour vous. Cadeau pour vous. Cadeau pour vous, toutes les merdeurs et tous les merdeuses. Et bien passé le but. Sur Canal Sud, 92.2 FM ou canalsud.net. Le téléphone 05 61 53 36 95. Dans la région toulousaine, vous pouvez nous entendre. Nous sommes les participants de l'émission Nuisance. Nous, rien que nous. Et nous aimons nuire. Nuisance, l'émission de toutes les nuisances, c'est l'émission qui nuit au sens. Pour vous. Émission éminemment bruitiste, s'il en est une. À Toulouse, je veux dire. À part ça, rien de neuf. Sous les aurores. On parlait de la vie, on parlait de la mort, on parlait de la putréfaction, de la purulence, on parlait de toutes ces choses quoi. C'était encore une bonne fois pour toute la façon de faire exigeamment putride, en satisfaction toujours. Parce que la vérité est tout à fait nomenclaturée par la mise en place d'une verbalisation intransigeante, car approximative. L'approximation est toujours de ce fait une réalité non éventuelle. And I'm in the fucking fuck. And I gotta admit, I like it. I like to fuck the fuck. Alors, comme nous disions, nous étions en train de baiser la baise ce soir pour vous, encore une fois. Nous avons baisé la baise encore une fois pour vous ce soir. Ce soir. La baise et baiser, baiser et la baise. Nous sommes les baiseurs, les baiseuses de la baise, respectivement. Nous nomenclaturons. La baise est une putride insatisfaction, irrationalisante et démente. La surface. C'est con le tact. La surface de la membrane. Ne doit pas être dépassé. Vous m'entendez? La membrane ne doit pas être traversée. Ne traversez pas la membrane de la démence, de la folie, de la malsanité. Nous sommes tous des enculés. Voilà, c'est ça qu'il faut pas faire. C'est horrible, je sais. C'est nous. L'humanité. On est vraiment que de la merde. Horrible, comme nous, on est horrible, ouais, et même que c'est vrai ce que je dis, si c'est vrai, c'est mon papa qui me l'a dit, mon papa il m'a dit va te faire enculer mon fils par une bite, et ma maman elle a dit oh oui c'est bien, c'est bien. Va à l'école. mais non, c'est du rhum, j'ai du rhum sucré, les gars. Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Bonne bourre.